La solution finale du problème communiste en Indonésie fut incontestablement l'une des actions barbares d'un siècle qui n'en aura pas manqué. Il s'agit à coup sûr d'un crime de guerre du même type que ceux perpétrés par les nazis. Ces lignes ont été écrites en 1988 par l'historien américain Gabriel Kolko. Elles sont d'autant plus fortes que l'historien souligne que son pays, les États-Unis, a approuvé ces massacres qui ont fait entre 300 000 et 1,5 million de victimes à l'automne 1965. En fait, depuis très longtemps, les États-Unis surveillaient avec inquiétude cet immense pays pourvu de considérables richesses naturelles, mais où le Parti communiste était très influent et le chef de l'État, le président Sukarno, prônait un neutralisme militant et anti-impérialiste hostile aux intérêts américains. Et déjà, à la fin des années 50, m'assure M. X, les Américains ont joué un rôle occulte en Indonésie en essayant de renverser Sukarno. Il s'agit de l'opération AIC, une extraordinaire opération de subversion à grande échelle menée, bien sûr, par la CIA. Ajoutons, mais cela ne vous étonnera guère, que les autorités américaines ont toujours nié, jusqu'à aujourd'hui, être impliquées dans cette affaire, comme elles nieront plus tard toute responsabilité dans les massacres de 1965. L'Indonésie était l'objet de nombreuses convoitises. Oui, à cause de sa situation géographique. Naturellement, ce pays qui est formé de milliers d'îles est comme une sorte d'immense arc de presque 5 milliers de kilomètres de long au sud du continent asiatique, entre l'Asie et l'Australie. Et sa position est donc éminemment stratégique. Oui, d'autant que la Chine est devenue communiste en 1949. Hein. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est aussi en 1949 que le pays accède à l'indépendance en secouant le joug colonial des pays. Et le père de l'indépendance est Sukarno. Hein. Oui, nous allons longuement reparler de ce dirigeant qui a joué un rôle très important dans les relations internationales dans ces années-là. Mais si l'Indonésie attire beaucoup de convoitises, c'est aussi à cause de ses richesses, essentiellement le pétrole et le caoutchouc, deux ressources primordiales dans ces années de la guerre. Et à l'époque, qui les exploitait ces... Principalement des compagnies occidentales et les anciens colonisateurs, bien sûr. Les Indonésiens n'avaient pas nationalisé? Non, mais dans le camp occidental, on pouvait le craindre. Il faut ajouter que les Hollandais régnaient toujours sur la Nouvelle-Guinée qui rejoindra seulement plus tard l'Indonésie. Alors, Sukarno? C'est un nationaliste de toujours. Un homme subtil, très charismatique. Très populaire, donc. Les Indonésiens ont conscience de lui devoir l'indépendance. Mais politiquement, Il penche à gauche, ce qui ne l'a nullement empêché de contrer durement les communistes qui se sont soulevés à la fin des années 40. Mais après avoir flirté avec le camp occidental, Sukarno s'en éloigne peu à peu. Et en 1955, il est à l'initiative de la fameuse conférence de Bandung qui réunit les pays non alignés. Un véritable manifeste du tiers-monde. Exactement. Et même si les principaux dirigeants de ces pays tiennent à garder leur distance vis-à-vis du camp occidental et du camp marxiste, il est clair, pour les Américains en tout cas, que cette conférence marque une nette inflexion à gauche et accroît l'influence de la Chine, le plus grand des pays du tiers-monde. Et dès lors, Sukarno va devenir une cible. Une cible. Que voulez-vous dire? Un homme dangereux. Ah oui. Les intérêts occidentaux, bien entendu. Les intérêts qui risquent un jour ou l'autre d'être nationalisés. Et les craintes américaines sont avivées par le fait que l'Indonésie compte un parti communiste très puissant, fort de plus d'un million d'adhérents. On peut donc penser qu'un jour ou l'autre, Sukarno sera obligé de composer avec les communistes. Oui, et de s'en rapprocher. Enfin, il faut dire que depuis l'indépendance, Sukarno, à la tête de son propre parti nationaliste, ne cesse de jongler entre le parti communiste et les partis musulmans. Oui, parce qu'il faut le rappeler, l'Indonésie est un pays à majorité musulmane. Et il ne faut jamais l'oublier. L'Indonésie est par ailleurs un étonnant puzzle de nationalité, de langue et de religion. Pas facile à diriger, hein. Non, à moins d'user d'une poigne de fer, ce que feront les militaires plus tard. Et en 1957, je crois, Sukarno met fin à la démocratie parlementaire et invente un nouveau concept politique, la démocratie dirigée. Ce qui signifie? Ça signifie que Sukarno, dans les faits, s'octroie des pouvoirs quasi dictatoriaux. Mais pour asseoir sa position, il doit aussi faire des concessions à l'armée et au Parti communiste. Et à Washington, c'est un nouveau signal d'alerte qui s'allume. D'autant que Sukarno, à qui les Américains répugnent à vendre des armes, envisage de se tourner vers les Soviétiques. Je reprends votre expression, hein. Vous avez parler de cible, c'est bien ça. Hein. À partir de quel moment envisage-t-on froidement de se débarrasser de lui, parce que c'est bien ça qu'il s'agit. Tout à fait. La première offensive est vicieuse, mais relativement peu dangereuse. Les hommes de la CIA décident d'exploiter les faiblesses privées du président Sukarno. C'est-à-dire... Sukarno a la réputation de beaucoup aimer les dames. Ah, il a été marié 4 fois, et on lui a même prêté des aventures avec quelques stars internationales du cinéma. On en a connu d'autres, n'est-ce pas? Et même aux États-Unis. Ouais, c'est exact. En tout cas, des spécialistes de l'agence américaine se mettent au travail. Et quel est l'objectif, le but, là? Réaliser un film pornographique mettant en scène le président indonésien. Pas moi. Non, pas moi. Et comme on ne peut quand même pas demander à Sukarno de jouer son propre rôle, on utilise un sosie. Et pour pimenter le scénario, on imagine de mettre dans le lit du président une espionne soviétique. Pour faire coup double, si j'ose dire. Oui, c'est ça. D'une part, on suggère que le président indonésien est manipulé par les communistes, et de l'autre, on introduit un élément de suspicion entre l'URSS et l'Indonésie. Mais cette initiative assez rocambolesque, il faut bien le dire, avorte. Et si le film a bien été réalisé à ma connaissance, il n'a jamais été diffusé. Mais pour quelle raison, alors? Ça, je ne sais pas. Mais imaginez diffuser un film pornographique dans un pays musulman, même clandestinement, ça relevait un petit peu de la gageure, non? Ouais. Alors je pense que cette réalisation cinématographique doit dormir quelque part dans un tiroir de la CIA. Non, plus sérieusement, les services américains s'attellent à une autre tâche. Pourquoi précisément? Il faut savoir que depuis l'indépendance, l'Indonésie a toujours été travaillée par des mouvements d'opposition, même de rébellion armée. Et ce n'est guère étonnant, dans un pays aussi disparate et aussi morcelé. Le gouvernement indonésien règne sans partage sur l'île centrale, Java, mais au célèbre, dans les Moluques, à Bornéo et surtout à Sumatra, on ne cesse de s'agiter. Et les États-Unis vont donner un coup de main à ses opposants. Bien sûr. Ça. Nous allons voir ça dans le détail, si vous permettez. Mm-hmm. Mais l'objectif principal, c'est la grande île de Sumatra. Et pourquoi la Sumatra? Parce que c'est la plus grosse productrice de pétrole. C'est là que se trouvent les ressources les plus importantes. Et c'est là aussi que se trouvent concentrés les principaux intérêts américains et hollandais. Ouais. Mais quel est le plan exact poursuivi par les Américains, alors? Encore une fois, il est double. Le plus simple, c'est d'aboutir à l'indépendance de l'île et de placer à la tête du gouvernement de Sumatra des dirigeants bien disposés à l'égard des Occidentaux. De façon à garantir la présence des sociétés occidentales. Oui, ouais. Oui, mais enfin, on peut aussi imaginer qu'une rébellion suffisamment forte pourrait obliger le président Sukarno à faire des concessions et, par exemple, à prendre ses distances avec le Parti communiste. Ouais, mais dans les deux cas, il faut encourager la rébellion. Évidemment. Mmh. Et qui était à la tête de ces rebelles? Des colonels de l'armée indonésienne, soutenus par le Parti musulman. Mais tout en mettant au point un plan d'aide massif à cette rébellion, il a été aussi tenté une action encore plus radicale. Quoi? Ça s'est passé vers la fin de l'année 1957, un attentat. Contre le président Sukarno? Oui, ouais. À l'occasion de l'inauguration d'une école que fréquentaient ses enfants. Mais les assassins ont échoué à abattre le leader indonésien. Ils ont quand même réussi à tuer 10 de personnes et à blesser 50 d'enfants. Oui, quand même. Non. Hein? Et d'après vous, c'est quoi? C'est la CIA? Ce n'étaient pas des hommes de la CIA qui ont lancé des grenades sur la voiture présidentielle. Mais à coup sûr, des tueurs étaient manipulés par la centrale américaine. Ouais. Et ça, donc, c'est fin 1957, hein, oui. C'est ça? Et les événements vont s'accélérer au cours de l'année 58, parce qu'à Washington, on a décidé de mettre les bouchées doubles. Vous dites Washington, c'est donc au plus haut niveau qu'est décidée cette offensive. Bien entendu. Je peux même vous révéler que c'est le vice-président en personne qui s'occupe de cette affaire. Et à l'époque, le vice-président Dwight Eisenhower, c'est Richard Nixon. Hein? Lui-même. C'est lui aussi qui, président des États-Unis, décidera de la même façon de l'élimination d'aliens. Et nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps. Pas si longtemps. Oui. Mais autant vous le dire tout de suite, son intervention dans la question indonésienne ne sera pas sans conséquence pour sa carrière. La carrière de Nixon, expliquez-moi. Non, pardonnez-moi, mais c'est peut-être un peu trop tôt. Vous voulez faire encore des mystères? Non, pas du tout. Je tiens simplement à respecter la chronologie. Ouais, vous connaissez. Admettons. Donc, Washington décide de passer à l'action et la première mesure envisagée, c'est d'armer et d'entraîner les rebelles. Car les Américains n'envisagent pas d'intervenir eux-mêmes. Non. Ils doivent au contraire se garder de montrer qu'ils interviennent vis-à-vis de Moscou et de Pékin qui seraient beaucoup trop heureux de voler au secours de Sukarno. Mais bientôt, ils vont se piéger eux-mêmes. Dans leur livre consacré à la CIA, le gouvernement secret des États-Unis, les deux journalistes américains, David Wise et Thomas Ross, décrivent quel était l'état d'esprit du président Eisenhower en 1957, alors que Sukarno venait d'acheter des armes aux Russes et d'introduire des communistes dans son gouvernement. Je les cite. L'administration Eisenhower craignit que Sukarno ne tombât complètement sous la domination communiste, ce qui serait, bien sûr, un véritable désastre pour les États-Unis. Bien que le revenu individuel de ses habitants fût en moyenne de $60 par an, et par conséquent l'un des plus bas du monde, l'Indonésie disposait d'une telle abondance de caoutchouc, de pétrole et d'étain qu'elle était en puissance la troisième nation la plus riche du monde. D'autre part, située entre l'océan Indien, le Pacifique, l'Asie et l'Australie, elle commandait l'une des principales lignes de communication de la planète. De nombreux leaders politiques de l'Indonésie, en particulier ceux qui vivaient hors de Java, partageaient les appréhensions des États-Unis quant aux compromissions de Soekarno avec les communistes. Et nombreux aussi étaient les membres de la CIA et du département d'État qui voyaient une très grande utilité à soutenir ces éléments dissidents. Le livre de Wise et Ross a été publié en France chez Fayard. L'homme de la CIA qui est chargé de coordonner l'affaire indonésienne sous le contrôle de Nixon et du patron de l'agence est un certain Frank Wisner, un vétéran de l'OSS. Que vous avez connu ? Que j'ai croisé, disons. Ouais. Comment procède-t-il alors ? Une cellule spéciale est constituée à l'intérieur de la CIA. C'est elle qui va superviser les énormes moyens qui vont être mis à la disposition de Wisner. Énorme, dites-vous. Oui, un peu comme dans l'affaire de la baie des cochons. Il faut installer des camps pour entraîner les rebelles. Et où alors ? Aux Philippines, où les Américains sont comme chez eux et où ces hommes pourront être entraînés dans la plus grande discrétion. Et puis, il faut aussi les armer. Et des milliers de fusils et d'autres matériels militaires sont prélevés sur les stocks de la marine et de l'armée de terre. Il y avait donc aussi des milliers de rebelles ? Des dizaines de milliers, oui. La CIA avait décidé de mettre le paquet, incontestablement. Mais avec de tels effectifs, il était inévitable qu'il y ait des fuites. Certainement, à Java. Le président Sukarno devait avoir reçu des informations. Et il ne s'est pas privé de dénoncer à plusieurs reprises les ingérences américaines dans les affaires indonésiennes. Mais imperturbablement, les autorités américaines et le département d'État prétendaient que les États-Unis respectaient une stricte neutralité. Une parenthèse ici. Le 1er avril 1958, alors que les combats font rage à Sumatra, John Foster Dulles, secrétaire du département d'État, déclare « Les États-Unis considèrent ces troubles à Sumatra comme une affaire intérieure. Nous essayons de nous montrer absolument corrects dans l'attitude et la position internationale que nous adoptons à leur égard. Et je ne voudrais pas dire quoi que ce soit qui puisse être pris pour une dérogation à ce principe supérieur. » Il fallait aussi, pour appuyer ces guerrieros qui allaient être envoyés essentiellement à Sumatra, une aviation. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Pourquoi ? Parce que si les Américains disposaient d'avions en quantité, il existait encore en effet des stocks de la Seconde Guerre, il fallait aussi des pilotes. Or, il n'existait pas assez d'aviateurs indonésiens suffisamment formés. Et puis des pilotes qui devaient en outre être hostiles au gouvernement Sukarno et avoir choisi le camp de la rébellion. Bien sûr. Et par conséquent, il s'est posé immédiatement un problème de recrutement. Or, Washington et la CIA ne voulaient pas que des citoyens américains soient impliqués. Et il a donc été fait appel à des mercenaires. Oui, mais des aventuriers de l'air, des types polonais ou hongrois, qui avaient piloté pendant la guerre dans les rangs de la RAF en particulier. Mais ça ne suffisait pas. Et malgré sa répugnance, la CIA a dû se résoudre à engager une demi-douzaine de pilotes américains. Des durs à cuire, qui avaient déjà travaillé pour les services américains en Asie ou ailleurs. Comme pilotes militaires ? Ou civils. La CIA avait monté ses propres compagnies aériennes pour dissimuler ses activités clandestines qui pouvaient aller jusqu'au trafic de drogue. Enfin, je vous l'ai déjà dit, nous, Français, nous n'étions pas en reste. Oui, en Indochine, oui. En Indochine, oui. J'ajoute, mais ça paraît évident que les appareils comme les équipages devaient être dépourvus de tout élément d'identification. Les avions, des bombardiers B-26 de l'US Air Force ont donc été repeints. Quant aux hommes, on leur a ordonné de n'emporter avec eux aucun papier. Ouais. Et s'ils étaient abattus et pris, hein? C'était à leurs risques et périls. Inutile de vous dire que ces volontaires en contrepartie étaient grassement payés. Donc ils ont été réellement engagés. Oui, car les événements se sont brusquement accélérés. Au début de l'année 1958, la grande île de Sumatra est en état de sécession. Déjà, des rebelles entraînés par les Américains y ont été acheminés. Et un gouvernement rebelle est mis en place. Un gouvernement où figurent des représentants des autres îles de l'archipel et qui demandent naturellement la démission de Sukarno. Réaction de ce dernier ? Dans un premier temps, il ne bronche pas. Pourquoi, à votre avis ? Le président indonésien est un fin politique. Avant d'agir, il veut d'abord s'assurer que l'armée le suivra, ce qui n'est pas évident. D'autant m'avez-vous dit que ce sont des colonels qui sont à l'origine de la rébellion. Oui, et la plupart des généraux ne goûtent guère le rapprochement de Sukarno avec le puissant parti communiste indonésien. J'imagine que les Américains doivent jouer sur l'anticommunisme de ces officiers. C'est certain. Et certains ont dû être approchés par les services secrets ou même les diplomates en poste à Jakarta. Dans ces cas-là, le discours est bien connu. Si vous jouez le jeu de l'Occident, vous aurez des armes modernes. Ces armes qu'on ne peut pas livrer à un gouvernement aux figures des communistes. Il n'y a rien de tel pour faire rêver un général. Et ça marche ? Eh bien, cette fois-ci, non. Sukarno est le plus malin. Et au nom de l'unité nationale, il réussit à convaincre le chef de l'armée, un officier pourtant résolument anticommuniste, de réduire la rébellion par la force. C'est donc la guerre. Oui. Et en mars 1958, Sukarno lance ses avions contre les insurgés de Sumatra. Les stations de radio des rebelles sont bombardées. puis les troupes d'assaut sont parachutées sur l'île. Alors, est-ce que les avions de la SCIA entrent en action en ce moment-là? Assez rapidement. Ils se manifestent d'abord au Célèb, où là aussi d'autres militaires sont entrés en rébellion. Et pourquoi pas à Sumatra? Ben, il suffit de regarder une carte. Sumatra est donc l'île la plus occidentale, donc la plus éloignée des Philippines, d'où les B-26 décollaient. Ces bombardiers n'ont donc pas été très efficaces. Non, mais la CIA prévoyait une guerre assez longue et donc une montée en puissance progressive de l'aviation rebelle avec la fourniture de nouveaux appareils et l'aménagement d'aérodromes au célèbre beaucoup plus proche de Sumatra. En fait, dans un premier temps, il s'agissait surtout de faire savoir aux insurgés qu'ils étaient soutenus et qu'il leur fallait donc résister. Un soutien surtout psychologique. C'est à peu près ça. Oui. Enfin, malheureusement pour la CIA, les choses vont se dégrader très vite. Pour quelle raison? D'abord, peu de temps après le début de l'offensive indonésienne, il y a un premier pépin. Un avion de reconnaissance de l'US Navy est accroché par l'aviation de Sukarno. Et l'appareil parvient à rejoindre en catastrophe une base amie. Ah, c'est en tout cas une preuve concrète de l'engagement américain. Tout à fait. Même si imperturbable, les autorités de Washington continuent à mentir et à proclamer leur neutralité. Mais il y a plus grave encore. Sur Terre, à Sumatra, les rebelles cèdent rapidement du terrain et les troupes gouvernementales remportent succès après succès. Je ne suis pas spécialiste comme vous, mais est-ce que tout ça ne donne pas l'impression d'une préparation insuffisante? C'est sûr. Et les Américains ont été pris de court par la réaction énergique du président Sukarno. Ils ont aussi sous-estimé le sentiment national indonésien. Mais pour les États-Unis, le pire est à venir. Racontez. Le pire s'appelle Allen Pope. Qui est-ce? Un pilote américain, un colosse qui avait fait ses preuves au cours de la guerre de Corée et qui ensuite avait été engagé par l'une de ses compagnies aériennes qui servait de faunée à la CIA. Je peux même vous dire que Pope avait fait partie de ces pilotes qui ont parachuté des vivres et des munitions aux troupes françaises qui étaient assiégées dans Dien Bien Phu. On risque tout. Incontestablement. Mais ce type aguerri et qui n'avait pas froid aux yeux va pourtant commettre une erreur impardonnable. Expliquez-moi ça. Au cours d'une mission de bombardement, il est abattu. Et on va trouver sur lui des documents prouvant de façon certaine qu'il travaille pour les Américains. Frédéric Lerck, dans un livre très documenté, « Les ailes de la CIA » paru en 1998 aux éditions Histoire et Collections, rapporte les circonstances au cours desquelles Allen Pope a été abattu lors d'une mission de bombardement sur un convoi de bateaux indonésiens. Je cite Lert. En arrivant à Ambon, Pope choisit de mitrailler brièvement l'aérodrome qui s'y trouvait, puis il dirigea son appareil vers le convoi qui était encore en vue de la terre ferme. Bien qu'il volât à très basse altitude pour ne pas être repéré, le pilote de la CIA fut tout de même aperçu des soldats présents sur les ponts des bateaux. Lorsqu'il entama sa première passe de tir, il fut accueilli par un déluge de feu provenant d'armes de tout calibre. « On prend des coups de tous les côtés !» annonça le radio dans l'intercom. Le commentaire était superflu. Pope avait lui aussi bien senti l'appareil dangereusement vibrer sous les impacts reçus. À présent, il sentait les commandes se durcir et l'avion lui échapper. L'avion était de toute évidence salement touché, avant même d'avoir pu lancer sa première attaque contre les bateaux. Pope entama un large virage qui devait l'éloigner des bateaux et le replacer sur un cap retour. Avant même qu'il ne le termine, le radio se fit de nouveau entendre. « Un chasseur sur nos 4 heures. Cette fois, on est bon. Prépare-toi à sauter. Je fais grimper l'avion pendant qu'il est encore temps. » Le P-51 gouvernemental n'eut besoin que d'une seule passe de tir pour achever le B-26 qui alla s'écraser à la surface de la mer. Entre-temps, Pope et son radio avaient in extremis réussi à sauter de l'appareil. Pour Pope, la CIA, le président Eisenhower et les États-Unis, les ennuis ne faisaient que commencer. Vous avez dit que Pope avait sur lui des documents compromettants lorsqu'il a été abattu. Et récupéré vivant par les Indonésiens, oui. Non seulement il était porteur d'une carte d'identité de l'US Air Force, mais on a trouvé sur lui son contrat d'engagement avec une compagnie dont tout le monde savait qu'elle était une succursale de la CIA. Et pourquoi a-t-il commis une telle bourde? Pour sauver sa peau, tout simplement. Pris sans papier par les Indonésiens, il aurait pu être considéré comme un mercenaire et exécuté sans autre forme de procès, vous comprenez? Oui, mais si je vous ai bien suivi, il a enfreint les ordres qu'on lui avait donnés. C'est vrai, mais ce faisant, il a eu la vie sauve. Bien sûr, à la CIA, on ne savait pas qu'il était porteur de ces documents. Évidemment, et quand Wissner, qui supervisait ses opérations, a appris que Pope avait été abattu, il ne s'est pas trop inquiété, car pour lui, il ne faisait nul doute que ce vieux routier des services ne parlerait pas. Oui, mais il y avait ses papiers. Et les Indonésiens, très habilement, ont adopté la tactique qu'utilisera plus tard Khrouchtchev lors de l'affaire de l'U2. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas exploiter cette découverte tout de suite. Ils ont laissé les Américains s'enferrer. Mais s'empêtrer dans leurs mensonges successifs. Sukarno a joué en maître. Il avait la preuve formelle de l'implication des États-Unis. Elle pouvait désormais s'en servir. Et de quelle façon alors? Pour s'en aguerre traîner. D'abord, il a obtenu que l'opération AIC, c'était le nom de code que lui avait donné la CIA, soit immédiatement interrompue. Et ensuite, à peine 3 mois après que Pop eut été abattu, les États-Unis ont accepté de livrer à l'Indonésie des milliers de tonnes de riz et même des armes. Et des armes qu'ils refusaient de leur vendre avant cette affaire. Exactement. La bourde de Pop a donc coûté excessivement cher. Très très cher, oui. Ouais. Et pour la CIA, c'était une défaite. Et une défaite et une sévère humiliation. Et cette affaire, je vous l'ai dit plus tôt, va rejaillir beaucoup plus tard sur le destin de Richard Nixon. Et Nixon qui, rappelons-le, était le vrai maître d'œuvre de cette opération AIC. Tout à fait. Ouais. Alors expliquez-moi. Quand une faute a été commise, il faut bien que quelqu'un assume les conséquences, vous êtes d'accord? Oui, mais qui? Nixon? Non, c'était impossible. Nixon était le vice-président et le successeur désigné d'Eisenhower. Ouais. Qui sera pourtant battu par Kennedy. Hein, mais ouais. Il finira par être élu à la présidence en 1968. Donc pour toutes ces raisons, et aussi le fait que malgré l'incident Pop, les États-Unis n'ont jamais reconnu officiellement être intervenus en 1958 pour renverser Sukarno, il était exclu de faire porter le chapeau à Nixon. Ouais, mais il fallait quand même trouver un coupable. Et on l'a vite trouvé en la personne de Frank Wisner. Qui était le responsable de la cellule de la CIA. Oui, oui, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, mais Richard Nixon l'a flingué sans état d'âme. Bon, seulement ce désaveu brutal est très mal passé à la CIA. Et beaucoup de responsables de l'agence en ont voulu à mort à Nixon pendant très longtemps. Et je commence à comprendre. Le Watergate, c'est ça, hein? Eh oui, le Watergate, les hommes de la CIA qui avaient été mis au placard ou qui avaient simplement été choqués par l'attitude de Nixon, se sont vengés à leur manière, et le fameux « gorge profonde » qui a informé les reporters du Washington Post n'était certainement pas étranger à la CIA. Vous en avez la preuve? Appelez ça une intuition. D'accord. C'est-à-dire que vous ne m'en direz pas plus, c'est ça, non? Alors, passons quelques années. En 1965, Sukarno est renversé par l'armée. Et des centaines de milliers de communistes sont massacrés. Un véritable fleuve de sang. Alors, est-ce que là aussi, la CIA joue un rôle? Ça me paraît évident. Les Américains avaient une revanche à prendre sur Sukarno et ils étaient bien décidés à se débarrasser du leader indonésien. Ils ont procédé avec beaucoup plus d'habileté. La preuve, c'est que même si tout le monde les a soupçonnés, ils ne se sont pas fait pincer. Enfin, officiellement, en tout cas. Et comment ça s'est passé, là? Ces événements dramatiques ont été longuement et minutieusement préparés. Et là encore, comme en d'autres périodes de la guerre froide, l'action des services secrets de l'Est et de l'Ouest a été déterminante. Parce que les Soviétiques s'en sont mêlés aussi? Oui. Enfin, pour reprendre une expression à la mode, ils ont botté contre leur propre camp. Ça mérite une explication, ça. Bon, ce sont, vous le savez, des spécialistes de la désinformation. Et ils ont mené, en particulier auprès du président Sukarno et de son entourage, une redoutable campagne anti-américaine. Ça ne devait pas être très difficile après les événements de 1958. Ouais, bon, vous avez raison. Enfin, le résultat, c'est que Sukarno et son gouvernement se sont progressivement rapprochés du camp socialiste. Et les chefs de l'armée ont pris peur. Ils ont eu peur que le parti communiste indonésien prenne le pouvoir? C'est exactement ça. Et vous imaginez bien que les Américains de leur côté ont tout fait pour les persuader de la réalité du danger communiste. Par conséquent, les Soviétiques ont obtenu le contraire de ce qu'ils cherchaient, en renforçant malgré eux les réflexes anticommunistes dans les hautes sphères de l'armée. Et la CIA? Elle a fait en sorte de persuader les généraux influents, dont la plupart étaient conservateurs, sinon d'extrême droite, que seul un coup d'état militaire mettrait fin à la menace communiste. Mais ce n'est pas tout. Des spécialistes installés dans le pays ont dressé des listes. Des listes De personnes à éliminer de toute urgence dès la prise du pouvoir. Donc essentiellement des communistes. Bien sûr. Ouais. Une fois ce travail fait, il suffisait d'appuyer sur le détonateur. Un détonateur. Quel détonateur? Il s'agissait d'un piège extrêmement machiavélique. Je vous raconte en quelques mots. On fait savoir à un colonel de la garde présidentielle qu'un complot de généraux se prépare contre Sukarno. Avec l'aide de la CIA, bien sûr. Ce colonel, bien préparé psychologiquement, décide de prendre les devants pour sauver son président. Et avec ses hommes, il s'empare de 6 généraux qu'il fait immédiatement fusiller. Avec l'assentiment du président Sukarno? Non. Il semble bien que le président soit resté à l'écart de tous ces événements. En tout cas, le résultat, c'est que les chefs de l'armée réagissent brutalement. Et dénonçant un coup de force des communistes, ils s'emparent du pouvoir. Et les massacres commencent aussitôt? Oui, grâce aux listes préparées avec grand soin par les services américains. Partout, on torture, on tue, méthodiquement, et les membres du puissant parti communiste sont décimés assez rapidement. Et Sukarno, que vient-il? Le nouveau maître du pays, le général Suharto, le fait placer en résidence surveillée. Il y mourra 5 ans plus tard. Bizarre, Suharto ne l'a pas fait assassiner. Non, Sukarno, faut pas l'oublier, était quand même le père de l'indépendance. C'était un symbole vivant. Ouais, il fallait donc l'épargner. Et puis, peu importe, les généraux avaient gagné. Et avec eux, les Américains qui, tout au long de cette longue dictature militaire qu'ils ont contribué à mettre en place, vont faire prospérer au mieux leurs intérêts économiques dans l'archipel indonésien. Monsieur X l'a dit, les États-Unis ont toujours rejeté toute responsabilité dans le renversement du président Sukarno et les massacres qui ont accompagné la prise du pouvoir par l'armée. Mais en 1990, une journaliste américaine, Katie Kedan, a enquêté sur cette affaire et elle a fait de nombreuses révélations, des révélations qui, entre parenthèses, n'ont guère ému l'opinion publique américaine. Jacques de Cornois a rendu compte de cette enquête dans Le Monde diplomatique, je le cite. Monsieur Robert Martins, diplomate en poste à Jakarta, établit pendant 2 ans une liste de 5000 responsables locaux, notamment du Parti communiste indonésien et d'organisations diverses, jeunes, femmes, syndicalistes, nommément désignés comme cibles aux militaires. Cette liste aida beaucoup l'armée, c'est entre guillemets, dit-il, ajoutant « J'ai sans doute beaucoup de sang sur les mains, mais ce n'est pas si mal. Il est des époques où il faut frapper fort au moment décisif. » Pendant des mois, les diplomates américains alimentèrent en nom de personnes à assassiner un intermédiaire qui était membre du cabinet d'Adam Malik, un ministre influent de Sukarno. Monsieur Marshall Green, alors ambassadeur à Jakarta, affirme de son côté que ses services disposaient de beaucoup plus d'informations que l'armée sur le Parti communiste indonésien. L'idée d'établir une telle liste germa dans le cerveau de Monsieur William Colby, responsable de la CIA pour l'Asie orientale, avant de devenir le patron de l'agence. L'ambassade devait, en 1966, s'assurer du suivi de la tuerie, rayant progressivement de la liste les noms des personnes exécutées. Dans ses mémoires, M. Colby résume l'affaire en quelques mots. Les communistes ayant assassiné les dirigeants de l'armée, ils furent à leur tour massacrés en représailles. Mais, vous l'avez entendu d'après M. X, l'assassinat des généraux avait été prémédité par les vrais responsables du complot. Je vous